Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Guémouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne en direct du lundi au jeudi sur Radio Guémouzo 107 FM. Et pour l'émission de ce soir, on a un thème un peu spécial, c'est une émission spéciale qui me tient quand même pas mal à cœur, assez délicate même car mon invité du jour ne maîtrise pas assez le français pour le parler tout seul. C'est pourquoi j'ai un interprète avec moi que je remercie déjà par avance, mais on en parlera plus tard. Et je vais d'ailleurs présenter tout le monde dans quelques instants. Mais mon invité du jour vient en France un mois par an, depuis 5 ans si je ne m'abuse, dans une famille d'accueil. Et il nous répondra de son mieux, même si que j'espère que j'ai des questions pas trop difficiles. Mes autres invités pourront peut-être aussi répondre à sa place, ou j'ai aussi des questions qui s'adressent à eux, même si ce n'est pas la majorité des questions. Enfin, je présente sans plus tarder tous mes invités du soir, donc mon invité principal, Ilia. Bonsoir, Ilia. Bonsoir. Et bien entendu, j'avais dit qu'il y avait plus de monde, donc il y a Jean-Claude qui fait la traduction, l'interprétariat. Bonsoir, Jean-Luc. Jean-Claude. Bonsoir, Lou. Si j'ai dit Jean-Luc, c'est bien entendu un lapsus révélateur. Jean-Luc Tonnerio est avec nous dans la salle. Bonsoir, Jean-Luc. Bonsoir. Et il y a aussi Titouan qui est avec nous, qui fait des petites émissions de temps en temps à la radio. Donc bonsoir Titouan. Bonsoir. Et deux autres nouvelles venues à la radio, Emmanuel et Luca. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors si tout le monde est là, surtout Ilia et Jean-Claude, c'est que vous êtes là pour qu'on en sache un petit peu plus sur le quotidien d'Ilia. Après tout, c'est pas tous les jours qu'on a un russe dans nos locaux, donc je suis très très excitée, très contente de faire cette émission et on va peut-être commencer par présenter Ilia. Donc Ilia, quel âge as-tu ? Илья, сколько лет тебе? Мне 13 лет. Il a 13 ans. Il a 13 ans. J'ai 13 ans. D'où viens-tu? Donc tu viens de la Russie, si je ne m'abuse. De quelle ville ou quelle commune? В какой город ты пришли? Во Франкфурт. Из какой город ты? И Россия. Как твой город? Какое имя? Новозыбков. Новозыбков. И où se trouve Новозыбков en Russie? Где Новозыбков? Находится в России. Ça se trouve en Russie. Недалеко от Украины? Да. Только недалеко, tout près de l'Ukraine, и недалеко от Беларусь? Да, тоже. Aussi. Oui, Jean-Luc. Novosibirsk, c'est une ville qui est à l'extrême ouest de la Russie, tout près de la frontière du Bélarus. Novosibirsk, ça se situe à plus de 200 km au nord de Tchernobyl. D'accord. Et toi, Ilia, toi tu vis plus en ville ou à la campagne? J'habite между в городе, между в деревне. Да. Plus en ville. живем как бы, то есть иногда я живу у брата, то есть он живет в городе, иногда я живу у бабушки, она живет в деревне. Alors, et... quand il est chez son frère, il est en ville, et quand il est chez sa grand-mère, il est à la campagne. Donc on plante un petit peu le décor d'Ilia, de là où il vit, de là d'où il vient. Et dis-moi, Ilia, on peut peut-être parler un petit peu de ta famille. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Есть у тебя сестра и брата? У меня есть брат. Il a un frère. Un grand frère? Да, он старше меня. Il est plus âgé que lui. Et dans ta famille, tu as une maman et Mathieu, tu vas Mathieu. Da. Elle fait quoi dans la vie ta maman? Qu'a carrière работает она делает? Она то есть моет посуду. Elle travaille au service dans une école pour la vaisselle, les cuisines, voilà. En parlant de l'école, je pense qu'on va glisser vers l'école. Hein. On a plein d'autres questions, bien entendu. Est-ce que tu aimes bien aller à l'école, Ilia? Ti bien ravilsa iti skole? Da. Oui, parce que da veut dire oui. Je pense que les auditeurs le savent très bien. Et est-ce que tu as une matière préférée? Какой предмет ты больше любишь школу? Я люблю ее больше за физру. Физкультура. La culture physique. Ah, le sport. Le sport, sport. Ouais. Justement, le sport, parlons-en. Vu que tu aimes le sport, quel est le sport que tu aimes pratiquer? Какой sport ты бы больше любишь? Легкую атлетику. L'athlétisme. L'athlétisme, si je ne m'abuse, est important en Russie. Легкая атлетика. Je ne sais pas ce que c'est, я не знаю, что это. Бег. Бег, бег, courir. Ah, tu aimes courir. Oui. Бег. Et tu cours des petites ou des longues distances? На средней дистанции. Des distances moyennes. Il court des distances moyennes. Et est-ce qu'il y a d'autres sports que tu aimes, que tu fais? Ты другие спорты тоже любишь? Да, есть тоже другие виды спорта, которые мне тоже нравятся. Какие? Бокс. Il aime bien aussi s'intéresser à la boxe. Basketball. Basketball. Oui. Hein? Volleyball. Volley. Et Ilia, dis-moi, toi, tu aimes le sport. Est-ce que c'est quelque chose d'important chez toi en Russie, le sport, ou dans ton école même? Это тебя важно заниматься спортом, и тоже как в России заниматься спортом очень важно. Да. Oui. Да. Oui, c'est très important. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça représente pour toi, le sport? Что для тебя спорт? Спорт для меня это как вид какой-то деятельности. Вид? То есть, ну, спорт для меня, то есть он, ну, можно сказать, занимает часть моей жизни, то есть для меня он как-то что-то важное. Mais c'est pour la... C'est pour la bonne santé, la zdarov. Ouais. Ah. C'est pour plutôt le style de vie, la santé, voilà. C'est surtout ça qui est important. Oui, pour le bien-être. Mmh. Hein, pour le bien-être. Et en parlant de ça, tu as parlé, enfin vous avez parlé, comme tu interprètes Jean-Claude, de santé, de mode de vie, parce que le sport est un mode de vie. J'aimerais que Ilia, s'il le peut, nous parle un petit peu de son quotidien. On a parlé de l'école, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de où se trouve l'école, où il va. Где называют школу? Далеко или от дома? Примерно километр от дома. Сколько? Километр. Километр. Oui, l'école est un kilomètre seulement. Oui, oui. Donc, il va à pied, j'imagine, ou en voiture? Il y a nos автобус et пешком. Я еду на езжу на автобусе. Il part en bus, oui. Et là, il faut un bus pour aller à l'école. Alors, je me souviens, moi, j'étais en Ukraine en 2002. Au moins, les auditeurs sauront qu'il y a ce souvenir de 2002 qui était très présent, où tout se trouvait très, très loin. On en parlera peut-être plus amplement plus tard. Est-ce que chez toi, il y a, il y a des choses qui se trouvent très, très loin ? Et pour lesquels il faut prendre le train ou partir longtemps. Где ты живешь? Есть что-то нужно делать? Всегда далеко нужно сидеть поезд? Oui. Par exemple. Le médecin, d'abord. Médecin, oui, le médecin ou Vrach, Delico, il est l'hôpital peut-être. Hôpital. Da. Et toi Delico, нужно ехать поездом или нет, можно сесть на велосипед и доехать. Нужно? Можно сесть на велосипед и доехать. On peut y aller comme ça. Это недалеко. Это далеко, но просто можно поехать как на машине, так можно поехать и на велосипеде. Ah, d'accord. Oui, oui. Ils sont obligés de prendre la voiture ou prendre le vélo. Ah oui, pour. Ou тебя велосипед. Да, есть. Да. Et comment se passent tes journées en Russie? Est-ce que tu peux parler de ton quotidien? Можно тебе говорить о что ты делаешь день? Утром, за вечером, что ты делаешь? Утром я просыпаюсь, утром я, то есть, просыпаюсь, иду почищу зубы, пойду, потом одеваюсь, иду пройдусь по улице, то есть, пробегусь, там, не знаю, метров 500, и побегут обратно домой заниматься делами, а вечером в свободное время от школы я сижу, занимаюсь тем, что мне нравится. Bon, il a l'école dans la journée, mais après le soir il est libre. Что ты делаешь вечером? Играешь? Занимаешься спортом? Иногда играю, иногда занимаюсь спортом. De temps en temps il joue, de temps en temps il fait du sport. У тебя есть друзья? Да, есть. Je lui demande s'il a des amis. Друзья, которые живут недалеко от тебя? Да, недалеко. Il a des amis qui habitent pas loin de sa maison? On l'a vu sur Google Maps, il nous avait montré des photos, on le voyait en train de faire du vélo avec des copains. D'accord. À lui. Mm. Ah oui, donc voilà, enfin c'est une, comment dire, une page ou un extrait du quotidien à Ilia. Et avant qu'on passe la première pause musicale, comme Ilia, tu nous disais qu'il y a quand même des choses qui se trouvent très loin, j'imagine qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de supermarchés en Russie. Par chez toi? Est недалеко от твоего дома супермаркет? Да. Да? Да, есть. Oui. Il y a des supermarchés, pas loin. Donc, principalement, tu consommes des produits qui viennent du supermarché et non pas des produits que tu cultives ou que tu vas chercher en forêt. Для jest твоя мать купить, чтобы есть, да. В супермарк, или у вас есть огород, и вы для картофеля или морковь, да. У тебя есть огород? Да, у нас есть огород. А, ils ont un jardin aussi. D'accord. Бабушка есть тоже огород? Да, есть. А, на даче? Да. La grand-mère aussi a un jardin. Oui, oui. Et il cultive, la grand-mère aussi cultive certains de ses propres légumes. Après ce que j'ai un peu compris. Tika d'Idienne, yest kartofiel is agorod, ili что твой мать купить в супермаркет? То есть, ну, мы едим, и можно сказать, и с огорода, и ходим за магазин за другими продуктами, например, которые не посадили. Alors, ils vont aussi, ils ont des choses du jardin, ils vont aussi acheter des produits qui sont pas produits sur place au supermarché. Et on viendra un petit peu plus tard au pourquoi j'ai posé ces questions, parce que bien entendu, ces questions ont une raison d'être. Mais on va avant tout s'octroyer une petite pause, laisser Jean-Claude et Ilia se reposer un peu avec une pause musicale qui s'intitule « Aya Lubliou Sr », je crois. C'est, comment ça se prononce, Ilia ? Comment on dit ? Musique. Musique. Bon, on s'écoute le morceau, Ilia nous dira peut-être la prononciation juste après, et on se retrouve juste après sur Radio Guémozo. We'll be right back. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Exceptionnellement, je ne vous invite pas à réagir parce que je pense que l'émission avec les invités que j'ai, c'est déjà assez consistant. Mais je suis toujours avec Ilia qui est, Jean-Luc m'a corrigé pendant la pause musicale, qui n'est pas là pendant un mois mais pendant trois semaines par an. Ilia qui vient de Russie, hein, du côté ouest de Russie, si je ne me trompe pas. Avec Jean-Claude qui est là pour faire l'interprétariat. Jean-Luc, hein, qui m'a introduit à Ilia, Titouan qui vient assister, qui bien entendu, hein, si un auditeur a envie d'assister à l'émission, n'hésitez pas, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème, même les autres jours de la semaine. Et puis j'ai aussi Emmanuel et Luca avec moi à l'antenne, comme ça on n'oublie personne. Et j'oublie pas non plus les auditeurs qui sont là, hein, que pour une fois, je vous invite pas à réagir, mais je pense quand même à vous, hein. Je vous passe un petit bonjour, bonjour les Vosges, bonjour l'Alsace, ou bonsoir même. Et on en vient, hein, aux questions suivantes, même si le morceau précédent, je crois que c'était Alia Lioubliou-SSSR, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc voilà, toujours dans la thématique sur la Russie. Et là, je vais poser une question un peu difficile, mais on va venir à des choses un petit peu moins difficiles après. Il y a, comme je t'ai demandé d'où venaient les produits que tu mangeais, c'est pas pour rien, tu vis dans l'est de la Russie. Ouest, pardon, je confonds toujours est et ouest. Déjà, je confonds ma gauche et ma droite, donc faut pas s'inquiéter pour moi. Donc à l'ouest de la Russie. Et forcément, en Ukraine, il y a eu en 86 une énorme catastrophe qui a impacté l'Europe entière, hein, jusque même chez nous, et ça s'est pas arrêté au Rhin. Forcément, la région où il y a vie a été impactée aussi. Qu'est-ce qu'on dit, il y a... qu'est-ce qu'on te dit de la radioactivité et de Tchernobyl chez toi? Говорим люди о радиоактивности. Радиоактивности. На твой город, если люди говорим о Чернобыле, радиоцентрале Чернобыля, радиоактивности или как идет здоровье после все это. Да. Половина людей, ну, которые, то есть, жили более ближе, то есть в нашем городе, более ближе к границе с Украиной, то есть у тех было плохо со здоровьем, а те, которые были подальше от нее, у тех было все отлично. Они лечились, жили и так и живут. То есть есть люди здоровые. Je ne comprends pas tout. En réalité, j'ai compris que qu'il y avait des gens malades, Aniboren, Lud. Нет. Нет, Болен. J'ai un petit trou. Hein. Ah, ça, c'est les joies du direct. Peut-être simplement, est-ce qu'il sait pourquoi l'association le fait venir en France? C'est une autre manière de formuler la question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut l'aborder de cet angle? C'est vrai que Emmanuel propose un autre angle. Est-ce que tu peux lui poser la question? Sais-tu pourquoi tu viens en France? Ты знаешь, почему ты пришли во Франции? Да, знаю. Да, il le sait, oui, oui. Pourquoi il y a là? Это для здоров. Да. Потому что есть здесь лучше, чем в России. Да, есть. Sí. не радиоактивност. А, да. Да? Продукти. Есть, да. Je m'excuse, mais c'est... Oui. Je ne comprends pas tout le vocabulaire. Oui, bien entendu. Bah, c'est des choses qui arrivent. Et déjà, c'est tout à ton honneur de prendre l'interprétariat à bras-le-corps. Hein. Après tout, c'est pas forcément évident à faire, mais merci beaucoup de t'en occuper. Au moins, je te dis, mais voilà, je salue vraiment ton travail. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a assez pourquoi il est là. C'est bien ça ? Oui, oui. Mais il a parlé de la proximité de la frontière avec l'Ukraine, oui. De la catastrophe et tout ça, et bon, la façon dont ils étaient touchés, mais je n'ai pas pu saisir tout ce qu'il a pu lire, même cette petite phrase-là. Après, je pense que ce qu'il faut préciser, que les auditeurs ont peut-être oublié, c'est qu'il y a 13 ans, il n'était pas là au moment de la catastrophe. Par contre, je pense que ben, Jean-Luc, Jean-Claude ou Emmanuel, vous étiez déjà adultes à cette époque-là, si je ne m'abuse, et pour ne froisser personne. Donc ça, c'est une question qui s'adresse un petit peu plus aux adultes. Même moi, je n'étais pas là pour le vivre, pour le voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous savez si la catastrophe de Tchernobyl a eu un impact sur l'Europe de l'Est ? Tchernobyl, oui, explose donc le 26 avril 1986. Ça a un impact direct sur l'Europe de l'Est et puis sur toute la planète, de toute façon. Il s'est arrêté à la frontière. Oui, mais en fait, il a contourné les frontières en passant par l'autre côté, donc ça a un impact sur la totalité du globe. Ça, c'est une certitude. Par rapport à Ilia, sa mère donc, avait donc 14 ans, c'est ça, hein. Donc c'était une adolescente, elle avait quasiment l'âge qu'il y a aujourd'hui. Voilà. On sait que quand les enfants de l'association Les Enfants de Tchernobyl viennent en France, donc on mesure leur taux de césium-137 qu'ils ont dans l'organisme. C'est une mesure qui est facile à faire. Donc, pour le cas des Russes qui viennent en France, donc ces mesures se font à Minsk, capitale de Bélarus, et c'est l'Institut Belgrade qui procède à ces mesures. Voilà. Tous les enfants qui viennent, tous les enfants, donc depuis 1993, où l'association fait venir les enfants, tous les enfants sont tous contaminés au césium-137. Le césium-137 est une particule qui n'existe pas dans la nature. C'est une invention, donc c'est le résultat des expérimentations des choses nucléaires que l'homme bricole, depuis que l'homme bricole dans le nucléaire, donc il y a des nouvelles particules qui arrivent, radioactives. Le césium-137 se fixe, donc ça a cette particularité de se fixer sur les muscles, et entre autres sur le cœur. Et donc on observe là-bas donc beaucoup de problème cardiaque chez les jeunes enfants. Voilà. Et tu me l'as aussi bien rappelé pendant la pause musicale de ne pas vraiment mélanger la Russie et l'Ukraine, qui sont, je le rappelle, bien entendu, deux pays distincts, mais deux pays voisins. Je me souviens encore, comme je le disais avant, hein, j'étais en race campagne, là où la famille qui avait accueilli ma famille, ne possédait rien par rapport à nous en campagne. J'imagine que la catastrophe de Tchernobyl a aussi mené à la chute économique et même la chute tout court de l'URSS, pour aller plus loin. Oui, oui, oui. La catastrophe de Tchernobyl contribue également à l'effondrement de l'URSS, on est d'accord. Ça, c'est acquis par tout le monde, ça. Et donc, alors tu peux peut-être pas forcément parler au nom de l'association, mais tu sais pourquoi ils font venir les enfants. Alors déjà, pour limiter l'impact du césium-137, éloigner de la catastrophe. Au bout d'un séjour de 3 semaines, puisqu'on mesure le taux de césium à l'aller et le taux de césium au retour, au bout de 3 semaines, en moyenne, c'est bien une moyenne, les enfants perdent 30% de leur césium-137. Donc ce qui leur permet de passer l'hiver un peu dans de meilleures conditions, l'hiver suivant. Et effectivement, en mangeant des fruits, des légumes, des champignons, qui ont un peu de chance, ils mangent du sanglier, effectivement, ils reprennent leur césium-137 dans l'organisme. Bon, il n'y a pas que le césium-137, il y a aussi le strontium-90. strontium 90, lui, se fixe en lieu et place du calcium dans les os. Donc là, on ne peut pas mesurer le strontium 90. Et puis d'autres radionucléides. Le césium 137 et le strontium 90 ont une demi-vie de environ 30 ans. Pour que l'on considère qu'un élément radioactif ne soit plus impactant sur la santé, il faut prendre 10 périodes. Donc si je compte bien, 10 fois 30, ça fait 300. Donc ces territoires-là donc, seront contaminés au strontium 90 et au césium 137 pendant une période de 300 ans. Donc il faut plusieurs centaines d'années pour. En plus, derrière, il y a d'autres éléments qui sont radioactifs pour des périodes immensément plus longues. Et toi, dis-moi, alors Jean-Luc, tu m'as dit des associations font venir des jeunes d'Europe de l'Est depuis 1993. Il y a le premier jeune que tu accueilles ? Il y a, donc, c'est la sixième année qu'il vient chez nous en France. C'est pas tous les enfants d'Europe de l'Est hein, qui viennent. Oui, c'est vrai. L'association des enfants de Tchernobyl accueille une centaine d'enfants ukrainiens au mois de juillet et une centaine d'enfants russes au mois d'août. Voilà. En ce qui concerne le Bélarus, il y a d'autres organisations internationales. Il y a d'autres pays, hein, il y a des gens en Italie, en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, qui accueillent également donc, des enfants. Mais bon, en fait, il se trouve que, entre guillemets, c'est un partage, enfin, je sais pas, c'est un arrangement entre les associations, les ONG, d'accueillir. C'est pas la peine d'aller partout. Ça se passe très bien comme ça pour le moment. Voilà. Mais dis-moi, pourquoi tu as. Enfin, Ilias, c'est bien le premier que tu as accueilli. Oui. Et comment t'es venue l'envie d'accueillir un jeune ? Ben, pour. Aider un enfant pour aider à le sortir de son territoire et puis de sortir de ces territoires contaminés. Une petite parenthèse, des territoires contaminés, on parle toujours des territoires contaminés, c'est quoi ? Quand on regarde sur les cartes, un territoire contaminé, ça représente un cinquième du territoire français. Il faut le comprendre, ça. Donc, savoir que... Si un accident du même type que Tchernobyl arrive en France, ben, si on reste schématiquement comme ça, c'est un territoire un cinquième du territoire qui est concerné. Il faut comprendre ça. Tout comme à Fukushima, c'est une grande partie du territoire. Donc Fukushima est une grande partie dans le Pacifique, donc on ne voit pas pareil. Mais ça, il faut bien l'imaginer. Et donc je rappelle que Novossibirsk, la ville dont est issu Ilia, donc à plus de 200 km au nord de Tchernobyl. Donc ici, à Romero, on n'est même pas à 200 km, à vol d'oiseau, de Katmandou. Alors, je ne parle pas de Fessenheim. Hein. Non plus, non. Et je crois qu'Emmanuel aussi avait quelque chose à dire sur l'accueil avec Ilia, parce que il me semble que c'est quelque chose que vous aviez en commun, Jean-Luc et toi. Oui, on a. Bah, moi, j'ai été sensibilisée à tout ça par mon oncle, Jean-Luc, donc. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément pour les mêmes raisons, mais au départ, moi, j'avais cette envie aussi d'une rencontre que mon fils, Luca, puisse aussi... et je m'étais dit qu'il fallait faire ça quand il était petit, parce que c'est, je pense, plus facile. Par exemple, je ne suis pas sûre que ce serait s'il y arrivait là, maintenant. Mais là, ils avaient 7 et 8 ans quand ils se sont rencontrés. Et je trouve que c'est une belle expérience. Moi, c'est vraiment quelque chose qui restera très fort pour moi. C'est qu'ils se sont débrouillés. Ils n'avaient pas la langue en commun, mais ils se sont inventés un langage commun. Ils se sont inventés des choses communes et une histoire. Enfin, ils s'attendent. Luca, il y a 2 mois, me dit oh, plus que 20 jours avant qu'il y arrive. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est important, nous, dans notre histoire. Je m'avance, hein, je parle pour Luca. Et c'est vrai que c'était bien de faire ça quand il était petit. Oui. Voilà. Et puis le fait qu'il revienne, c'est vrai que même si on n'a pas la langue, on se comprend. Enfin. Tout à l'heure, ça m'a fait rire parce que je le voyais froncer des sourcils sur une question. Et j'avais envie de parler à sa place parce que, voilà, on arrive à se comprendre avec autre chose que les mots. Et ça, je trouve ça, en dehors de l'engagement militant, bien sûr, qui est évidemment important, mais c'est aussi une histoire d'amitié forte, je trouve. Oui. Et toi, je te donne la parole dans un instant, Titouan. Luca, est-ce que tu veux peut-être... Enfin, tu vas dans le même sens que ta maman, tu es d'accord? Oui, par exemple, moi, j'aurais pas vraiment accepté un enfant russe à mon âge. Bah, parce que quand j'étais petit, par exemple, moi, quand je suis allée le chercher pour la première fois, et ben, en fait, je croyais que les Russes, ils avaient la peau noire. Et du coup, bah, ça m'a appris plein de trucs et tout ça. Je me demande qui l'a élevé, cet enfant. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre plein de trucs bah, sur la Russie, parce qu'il m'apprend plein de choses. Et oui, je reviens sur la vie de ma mère, quoi. Enfin, oui. Et vous avez vraiment un langage à vous? Et vous comprenez des gestes? Bah, les premières années, on avait des gestes. Et maintenant, vu qu'il comprend assez bien le français, je lui dis plein de mots et il comprend. Par exemple, viens, on mange. Ou plus vite, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut se comprendre, quoi. Mais il y a plein de mots aussi, on utilise Google Traduction, parce qu'on peut pas. Oui, bien sûr, on peut pas tout faire, on peut pas tout réussir. J'entends un téléphone qui vibre, on peut l'éteindre s'il vous plaît? Et d'ailleurs, il me semble, juste avant que je donne la parole à Luca, que Titouan voulait prendre la parole, alors on t'écoute. Du coup, maintenant, avec le temps, je pense que vous êtes habitué, mais au début, c'était pas un peu dur. La peur de l'inconnu aussi, de s'aventurer dans quelque chose que vous connaissiez pas. Puis aussi, au fil des années, est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte de rite, en fait, comme il vient que 3 semaines par an? Est-ce que c'est pas comme un fils, mais seulement 3 semaines par an? La première année, moi, franchement, j'étais un peu terrorisée. Déjà parce qu'il y a été petit, il avait 8 ans. Donc, 8 ans, 3 semaines dans un pays où tu connais pas la langue, 3 semaines sans tes parents, je me suis dit, mais comment on va faire et comment il va faire, quoi? Et comment on va réussir à instaurer la confiance? Parce que pour être bien avec les gens, il faut que tu crées une relation de confiance. Et comment on va faire ça sans la langue? Moi, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait vraiment peur la première année. Et il se trouve que j'allais dire, en 3 jours, ça s'est fait. En 3 jours, ils se sont créés des codes. En 3 jours, on... Et alors maintenant, ça, c'est vrai qu'on a des rituels. Il passe du temps chez Jean-Luc, il passe du temps chez Dominique, il passe du temps chez Luca et moi. On fait l'anniversaire de Luca. Et donc, à chaque fois, tout le monde apporte un cadeau pour Luca et pour Ilia. On fait une soirée où on se retrouve tous ensemble à la fin. On a des espèces effectivement de rituels. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Luc ou Luca, mais ouais, en fait, quand j'ai accueilli Ilia, en fait, moi personnellement, je me suis pas trop posé de questions. J'ai comme si j'ai sauté à l'eau, quoi. J'y vais. En fait, moi, je vendais une des façons de financer l'association des enfants de Tchernobyl, c'est de vendre des œufs à la période de Pâques, les 3 semaines avant Pâques. Et moi, j'étais déjà impliqué, je vendais des œufs pour cette association. Donc, je connaissais déjà l'association depuis plusieurs années. Et donc, je savais où j'allais. Après, quant à accueillir un enfant, j'y vais. Moi. Pour information, il y a quand même des fois où ça se... Enfin, par exemple, très bêtement, dans les soucis de santé dont parlait Jean-Luc, ils ont des fois des problèmes dentaires. Moi, je me souviens de Luca qui avait d'Ilia, qui avait des problèmes de dents. On va expliquer à un enfant qu'il faut lui enlever sa dent avec une dentiste lambda. Et apparemment, d'après ma dentiste, les anesthésistes, ça n'existe pas forcément. Enfin, voilà. Il était terrorisé. Enfin, non, c'est quand même. Tu t'embarques dans un truc. Si tu te retrouves avec un gamin qui a peur, ou qui est malade, ou qui a mal aux dents, il y a quand même cette histoire de langue, elle n'est pas simple à gérer, quand même. Oui, c'est évident. Non, avant, je me suis dit. Bon, bah, évidemment, je me suis dit comment on va parler, comment on va communiquer. En fait, on se rend compte très rapidement que, de toute façon, le langage verbal n'est qu'une toute petite partie de la communication. Et puis, je me rappelle quand le premier soir, quand on est arrivé, donc il y a Iluka, on trouvait un ballon, et puis on jouait au ballon, voilà, dans les minutes qui suivaient, on pique-niquait dehors sur le côté de la maison. Ça s'est fait doucement, voilà, faut pas toujours se poser plein de questions extraordinaires avant, parce que sinon on fait plus rien. On est d'accord. Et tant qu'à faire, comme je vous ai parlé à vous de la venue d'Ilia, j'aimerais peut-être aussi lui demander, lui, Ilia, comment s'est passée ta première venue en France ? Est-ce que tu t'en souviens ? Ilia, tu pomnich, tu es pervi raz français. Да. Oui, il s'en souvient ? Я его не забуду. Не забуду. Encore une fois, les aléas du direct. Oui. Hein. Est-ce que tu as eu peur? Ouais. Ты был зубной врач? Да, был. Да? Да, я был. У тебя зубы болят? Нет? Нет. Il avait, enfin, il a... Où tu vas, Zubi Baliat? Non, avec ton frère. Il avait pas mal aux dents. Tu la pas... deuxième année, oui, ah. On a été obligé de l'emmener chez le dentiste. Non, ma question, c'était comment est-ce qu'il n'avait pas peur la première fois où il est venu, de savoir où il arrivait? Il avait peur. Ouais. Nous aussi, Elia. Nous aussi. Yeyo Toje Baessa. Потому что она типа, не знает тебя. Elle avait peur. Ты, Байса, пришли во Франции, и она, Байса, потому что она не знает тебя, что делать, он 8 лет, il a 8 ans, c'est difficile. Maintenant, tu es content de venir. C'est chasse. Tiben Ravelsa. Prechlis dies. Maintenant, c'est chasse. Ah, da. Oui. Et est-ce que tu te souviens de comment tu pensais avant qu'on vivait en France? Tu pomnich, первый раз в français, как ты думал, как во français, les живут, как жизнь здесь во français, что ты думал о français? Я думал, что это будет, то есть она маленькая, но потом, когда я приехал и сам все увидел, то я переменил, то есть убрал то мнение, что она маленькая, некрасивая. И когда я увидел их то есть горы, города, всякие дворцы прекрасные, красивые, то есть я поменял свое мнение, мне тут понравилось, и поэтому я сюда и езжу. J'ai pas très très bien compris, mais je pensais qu'il imaginait que les choses n'étaient pas aussi belles que qu'il les a découvertes après. Donc il idéalisait peut-être un petit peu la France, hein? Non, je ne crois pas, au contraire. Ah, au contraire. Oui. Et est-ce qu'il peut nous dire s'il y a des grosses différences entre la vie en France et la vie en Russie? Ah, encore une fois. comment je pourrais dire ça? Une différence, j'ai oublié comment on dit ce mot, différence. Vous avez remarqué? J'avais pris quelques notes. Hein. L'école, manger, les maisons, ici en France et chez toi. C'est différent ou c'est pareil? Vrasia ljudi živut paraznovu čem va français. Da. Est-ce qu'ils vivent différemment? C'est ça, c'est la question. Ouais. Ils vivent. J'avais préparé cette question-là, c'est pour ça que j'étais un peu surpris d'avoir à les formuler autrement. C'est ça. Par exemple, как ты можешь сказать о жизни в России и жизни во Франции? Qu'est-ce qu'il peut dire entre la différence de vie en France et en Russie? Il peut aussi dire qu'il ne sait pas ou qu'il ne peut pas répondre. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent si jamais. Où est-ce que les magasins sont différents? Oui. On dit magasin, la supermarket, по-разному, voilà. Автомобиль, дом, улицы, люди. Люди разные, машины тоже, ну, разные. Тут они, то есть, разных иномарок, а у нас, то есть, в Новозыбкове, они в основном, то есть, ездят на одних и тех же машинах, то есть, нет такого разнообразия, как тут. Дома отличаются, то есть, у нас, у вас можно, то есть, найти гигантские здания, там, ну, многоэтажные, большие здания, а у нас их нету, ну, то есть у нас их мало. Il y a moins de voitures, ils sont machines старше. Non? Les machines старше. Machines automobiles старше. В России, чем во Франции? Нет. Нет? Non, нет. Ils sont plus modernes alors. Oui. Bon, ben, il y a des choses, j'ai des lacunes dans mon russe. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a moins d'abondance quand même chez Ilia que chez nous. Oui, c'est ça, c'est la différence, oui, oui. Et vu que je vois que l'heure tourne tout doucement, voilà, on va tout doucement devoir s'arrêter à 19h, donc il faut faire un peu le tri dans les quelques questions qui me restent. Et s'il y a une autre question qui est importante, c'est Ilia est jeune, forcément plus tard il va devenir adulte, il aura un métier, il aura une famille. J'aimerais savoir quels sont ses rêves pour plus tard. Какую работу ты хочешь сделать? Я хочу работать строителем. Je sais pas comment on dit. Donc, Jean-Claude, tu es en train de chercher un mot, c'est ça? Oui, je suis en train de le chercher. Если ты можно, если бы можно тебе нравиться изучать во Франции. Je commente et il y a France des sourcils. Oui, oui. C'est très bonne commentatrice. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je chercherai après son nom. Ambition, j'ai besoin du dictionnaire. Il y a en anglais. English. Your dream for the future. My rêve. Ton rêve, ouais. Ouais, ça c'est build. Build. Build. C'est construire ça. Construire, c'est ça. Build a house. Ouais. Ah, d'accord. Maçon. Alors en France, on dit maçon, ouais, ouais. William. Ou architecte. D'accord. Ou architecte. Architecte. Ouais, ouais. Ah, yeah. D'accord. Donc, pour être architecte, et est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'il y a des écoles à proximité pour réaliser ton rêve? Yes, niedaleko od tej żywioć szkole, żeby dzierać architekt, uniwersytet. По близости нету, а она находится далеко. То есть они не находятся далеко. Да. Если alors les écoles sont loin, et ça, je vais lui demander si il envisageait de faire des études en France, par exemple, on ne sait jamais. À Nancy, il y a une école d'architecte, il n'y a qu'à venir. Если вы можно изучать architecte va français, ti bien nravilsa. Je fronce. Ah ouais, j'y arrive pas. Vous savez quoi, est-ce qu'à la rigueur, en attendant qu'il y a trouve la réponse ou qu'on prenne, on va mettre, parce que je vois l'heure et j'ai oublié de passer une pause musicale, il nous en reste une assez courte, il s'agit de l'hymne russe, qu'on s'écoute, hein, ça dure pas très très longtemps, comme ça on laisse il y a réfléchir un petit peu, et on se retrouve juste après pour la réponse et pour la conclusion. Et ce serait bien que ça fonctionne, parce que ça fait parfois des bugs. En effet, les aléas du direct. On ne sait pas ce qu'il a, l'ordinateur, donc en attendant, on meuble, et ça y est, on y arrive. Enfin. Non, toujours pas. Alors ça, c'est génial. Elia, si tu devais faire une école pour être architecte, pour tout... Comment on dit, construire ? Tout build. Est-ce que tu pourrais le faire en France ou en Russie? A school to make your dream. Mm. Il fronce à nouveau, mais avec un sourire. Oui, bon, en tout cas, ça y est, la musique s'est mise en route, donc en attendant qu'ils finissent de réfléchir, on peut enfin mettre cette musique en espérant que ça marche cette fois. Ben voilà, c'est les aléas du direct, ça arrive. Hein. Le plus important, c'est de ne pas perdre le sourire, donc on va s'écouter l'hymne russe et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo 107FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et toujours hein, avec Ilia, Jean-Luc Tonnerieux, Jean-Claude, Titouan, Emmanuel et Luca. Jean-Luc et Luca qui se sont échappés pour quelques secondes de nos locaux. Et on vient tout doucement à la conclusion de notre émission. Donc, comme je le disais, Ilia vient pour 3 semaines chaque année, pour la 6e année consécutive, je crois, en France. Et il vient de l'ouest de la Russie, ça y est, je me trompe pas, hein, parce que mademoiselle gauche et droite, enfin bref. Une personne sur 4 confond sa gauche et sa droite pour information. Voilà, il nous a parlé un petit peu de son quotidien, de ce qu'il fait un peu tous les jours, encore qu'on a beaucoup de choses à se dire, mais malheureusement le temps va nous manquer. Par contre, j'ai une dernière petite question, Ilia. Si tu pouvais revenir à Radio Gemozo, est-ce que tu reviendras ? Yes, Lee. Ty możesz jeszcze raz zdjęć w Radio Gemozo wernąć. Tak. Tak? Donc ce sera avec plaisir qu'on te reverra peut-être dans un an pour poser les autres questions qu'on n'a pas pu te poser. Bon, ça c'était une des questions. Je pense que c'est pas nécessaire de demander si tu es content de venir en France chaque année. Ona spraszywajat, jeśli ty rad, kiedy ty przyjechał w France. Da. Oui. Et voilà, ça y est, ça c'est quand on arrive aux conclusions, c'est pas toujours comment faire. Mais ça y est, on entend le générique qui commence un petit peu à pointer le bout de son bec. Et qui dit générique dit déjà programmation de la soirée, moment de se dire au revoir, hélas. Et donc la prochaine émission, c'est à partir de 20h, le calendrier des esclavages et des libérations avec François, suivi de minuit à 1h, la rediffusion de la bulle de Lia, émission de ce midi, où elle a parlé des journées du bien-être de Xertini, un salon bien-être qui a lieu ce week-end, hein, je crois les 24 et 25, en même temps que le Festilac, mais à Xertini, et c'est pas non plus la même chose, mais bon, c'est un autre salon pendant le week-end. Puis rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant même, hein, demain matin, 7h-8h, disponible sinon en podcast sur notre page Facebook Radio Gemozo, sur notre site internet radiogemozo.eu, rubrique L'heure des loups, aisément écoutable, téléchargeable, peu importe les systèmes d'exploitation, tout fonctionne. Et puis, comme demain, on sera mardi, ce sera suivi des minutes bonheur de Lia et à 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée à venir. Puis on se retrouvera demain, non pas en direct, hein, mais ce sera une rediffusion de l'émission du Festilac de Saulsure, parce qu'après tout, c'est ce week-end, donc il faut quand même bien le réannoncer. Et je vous annonce aussi l'émission qui aura mercredi, ce sera un bouillon de culture estivale, où je serai avec Mika et Cassandra pour vous raconter un petit peu toutes les découvertes culturelles qu'on a faites, cinéma, musique, livre. Chacun vous apportera sa petite note de l'été. Donc voilà, ça c'est pour les programmations à venir. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc, Jean-Claude, Titouan, Emmanuel, Luca et surtout Ilia pour votre présence. C'était vraiment très précieux et merci beaucoup Jean-Claude pour la traduction. Un big up à toi parce que forcément c'est pas quelque chose d'évident. C'était vraiment un moment très agréable avec vous. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Et je remercie aussi les auditeurs d'avoir suivi l'émission. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours. C'est toujours très précieux. Je prends toujours compte de ces remarques. Hein. Il n'y a strictement aucun souci. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Je ne vous retiens pas plus longtemps parce que ça y est, c'est l'heure de dîner. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et on se donne rendez-vous demain, même heure, sur Radio Gemozo. Bonne soirée.